franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la disparition de Pauline Lafont le 11 août 1988. Pauline est la fille de l'actrice Bernadette Lafont, vedette populaire, égérie de la nouvelle vague. De sa mère, elle a hérité du charme, de la gouaille, du talent aussi. En quelques films, elle s'est imposée comme l'une des comédiennes les plus prometteuses de sa génération, jusqu'à ce matin d'août 1988. Partie en balade solitaire sur les sentiers escarpés des Cévennes, sa région natale, elle disparaît mystérieusement. Nous sommes au cœur de l'été, et dans la moiteur du mois d'août, l'actualité devient paresseuse, tout comme le pays qui s'enfonce dans une douce somnolence. La disparition de Pauline Lafont, le sort de sa torpeur. Durant tout le mois d'août, la France se passionne pour cette histoire, pour ce feuilleton macabre qui s'étale jour après jour à la une. Barnum médiatique, ponctué de rumeurs et de révélations tout genre. Pauline faisait une déprime, elle s'était disputée avec sa mère, elle appartenait à une secte, elle tournait trop, elle ne tournait plus assez. Pour vendre, toujours vendre, ce sera celui qui écrira le meilleur scénario. Mais qu'en est-il réellement de Pauline Lafont et de ce qui lui est arrivé? Pourquoi un tel engouement, un tel déferlement médiatique autour de la jeune actrice et de sa famille? Pour en parler après le récit, nous accueillerons Patrick Evenot, professeur des universités et spécialiste de l'histoire des médias. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Août 1988. Situé à proximité du village de Saint-André-de-Valborgne, dans le Gard, le Serre du Pomarais est une ancienne magnanerie, imposante bâtisse de pierre brune, typique de la région. C'est la demeure familiale de l'actrice Bernadette Lafont, star de cinéma. David, son fils, et Pauline, sa cadette âgée de 25 ans, sont venus se reposer quelques jours dans cette maison où ils ont passé tant d'été. Ce jeudi 11 août 1998, comme tous les matins, frères et sœurs se retrouvent pour le petit déjeuner. Autour de la table, il y a aussi Gemmel, le jardinier et ami des enfants Lafont. Après leur café, peu après 8 heures, les deux garçons se lèvent pour aller travailler sur la propriété. Pauline, elle, part en balade. Elle connaît par cœur ce coin des Cévennes au relief sec et sauvage. Loin de la ville et des plateaux de cinéma autour de sa mère, c'est ici qu'elle a passé toute son enfance. La lourde porte en chêne claque, la jeune femme s'éloigne, le mystère Pauline Lafont commence. Quelques heures plus tard, à l'heure du déjeuner, Pauline n'est pas rentrée. Son frère David s'en étonne, ça ne lui ressemble pas. Alors, aidé par quelques amis, il parcourt les alentours à moto. Rien. À 17h, toujours aucune nouvelle de Pauline. Sa mère, Bernadette, redoute que sa fille se soit perdue dans la garrigue. En fin d'après-midi, elle prévient la gendarmerie et le lendemain matin, les recherches commencent. 20 gendarmes, 40 pompiers, un hélicoptère et des dizaines de bénévoles ratissent les alentours de Saint-André-de-Valborgne. Et puis, un gendarme indiscret prévient les journalistes. Et alors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce samedi 13 août 1988, la disparition de Pauline Lafont fait la une de tous les médias. Bonjour, recherche Pauline désespérément. Pauline Lafont, la fille de l'actrice Bernadette Lafont. Voilà maintenant 4 jours qu'elle a disparu de la maison de campagne familiale dans les Cévennes. Pauline Lafont, la fille de l'actrice Bernadette Lafont, a disparu dans les Cévennes près de Saint-André-de-Valborgne dans le Gard depuis jeudi matin. Pauline Lafont, blonde, âgée de 26 ans, a imposé son style dans plusieurs films à succès, dont L'été en pente douce. Nous avons appris cet après-midi qu'elle avait disparu depuis jeudi, 8h du matin, disparu de la maison familiale de Saint-André-de-Valborgne, dans les Cévennes où elle passait des vacances en famille. Où peut donc bien être l'actrice Pauline Lafont? Pendant 2 jours, on sillonne la campagne, on fouille les crevasses, on sonde les rivières, en vain. La région est trop vaste, trop escarpée. Les recherches sont interrompues le samedi 13 août au soir. Pauline s'est volatilisée, comme évaporée dans la garrigue Cévenole. Les gendarmes lancent alors un avis de recherche national. Ils s'orientent désormais vers l'hypothèse d'un enlèvement, ou pire. Mais au village, on continue de croire à l'accident. Les habitants connaissent bien le danger de cette vallée. Il n'est pas rare de s'y perdre ou d'y s'y blesser. Pour l'épicière, Pauline est bloquée au fond d'un ravin, incapable de s'en sortir toute seule. Son mari confirme. Lui-même se rappelle son pied cassé en allant aux champignons, heureusement qu'il était accompagné. Et à vrai dire, le chasseur non plus n'est pas étonné. Avec des fourrés pareils, on pourrait passer à côté d'elle qu'on la verrait pas. Alors, en hélicoptère, vous pensez? Ainsi, au micro des journalistes, tout le monde y va de sa petite histoire. Villageois, touristes et curieux n'ont qu'un nom à la bouche, Pauline Lafont. C'est que, dans ce petit village aux 400 âmes, la famille Lafont fait rêver, apporte avec elle un vent de cinéma et de paillettes. Aujourd'hui, bien malgré elle, c'est plutôt une horde de journalistes qui débarquent. Alors que les recherches s'arrêtent pour la gendarmerie, la famille de Pauline Lafont, elle, continue les investigations. Son frère, David, quadrille le terrain et répartit les petits groupes de volontaires, amis, bénévoles et même un radiesthésiste. Il se confie au micro de France Inter. Il y avait 25 gendarmes et ils ont sillonné pendant 2 jours toute la région. Ça n'a rien donné, donc ils ont décidé d'arrêter pour l'instant les recherches en montagne. Je sais pas, moi je suis un peu déçu aussi, je serais plus rassuré de les voir aujourd'hui encore là. Encore une fois, ça s'étend sur des dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, donc des centaines de kilomètres de sentiers possibles. Il faudrait qu'ils viennent avec plusieurs milliers d'hommes et là ça, ils sont peut-être un peu dépassés. Mais vous continuez, vous, la recherche? Bien sûr, oui. Avec des amis, le monsieur Adjé, le maire. Et avec un radiesthésiste? Oui, ça peut toujours être utile. Hein. Il y a son pendule, là il est très intrigué par ça, s'arrête brusquement à 500 mètres plus bas sur la route. C'est très probable que ça soit fait embarquer par une voiture, là, enlevée, séquestrée. On n'a toujours pas aucune nouvelle de toute façon de quoi que ce soit, pas de rançon, rien du tout. Donc on attend. Puis c'est au tour de Bernadette Lafont de s'exprimer 3 jours après la mystérieuse disparition de sa fille. Invitée de l'émission « Oh les filles » sur TF1, elle tente de cacher son trouble derrière un large sourire. Mais son attitude surprend, en choque certains, on lui reproche de ne pas apparaître en mer éplorée. Bernadette Lafont, elle, veut rester positive. Après tout, et jusqu'à preuve du contraire, sa fille n'est pas morte. Tout le monde sait que je traverse une épreuve difficile parce que la disparition de, comme ça, subite de Pauline, qui n'est pas reparue depuis 3 jours, qui est partie se promener, comme on va se promener, comme ça, et puis qui s'est volatilisée, je veux dire, c'est effrayant, mais je refuse tout le cortège d'idées noires, par exemple le fait qu'il y ait plus de 10 000 personnes en France qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas, et puis etc., etc. En fait, tout ça, je refuse parce que je fais confiance à sa bonne étoile, à notre bonne étoile. Bernadette Lafont est remontée à Paris où elle continue d'exercer son métier. Ce qui lui est aussi reproché, pourquoi ne pas rester dans les Cévennes et continuer les recherches avec son fils? La comédienne rétorque, si j'étais vendeuse aux Galeries Lafayette ou infirmière, je remettrais mon uniforme tous les matins et j'irais faire mon boulot, voilà. Sans cesse, elle doit se justifier auprès des journalistes en mal de scoop. Chacune de ses réactions est scrutée, analysée. Car l'affaire Pauline Lafont passionne. Pauline, cette fille d'eux, n'est pas une inconnue du grand public. Au contraire, c'est l'une des comédiennes les plus prometteuses de sa génération. Tu peux tout faire, Dauphane. Avec les nichons que t'as, tu peux tout faire, Nana. Tu peux le rendre gâteux. Tu peux le faire vendre. Là, je te donne une part du snack. Et un tablier blanc? Merci si c'est ça votre gros lot. C'est toi le gros lot. C'est tous des salauds. C'est toujours pareil. Le premier qui m'a dit que je ferais du chemin avec mon cul, c'est mon père. Pour ça, j'en ai fait du chemin, oui. Mais maintenant, j'ai une maison, vous entendez? Et Fan va m'épouser. J'ai une maison et j'aurai des enfants. Fan va faire quelque chose et vous en serez tous sur le cul. Ma jolie, te fâche pas. Me touche pas, sale mec. Je cabosse ta bagnole à coups de cailloux. J'en ai marre. Marre de vous tous. Vous pensez qu'à une chose, me tripoter avec vos grosses pattes. Vous voyez pas plus loin. Mais merde, vous êtes tous cinglés. Et vous, vous êtes mariés? Vous avez une femme? Ben tant pis. Vous m'emmenez dans votre auto pour me proposer une place de serveuse dans votre restaurant et des petits coups de tronchage à la sauvette. Vous êtes un salaud! Voilà! Tu jettes cette pierre, t'entends? Merde! Mon capot! Dans cette scène, extraite du film L'été en pente douce de Gérard Krosik, on entend tout le charme, la gouaille et le talent de Pauline Lafont. Nous sommes en 1987, elle a 24 ans, elle est au sommet de sa gloire, de sa beauté aussi. Un physique à la Marilyn Monroe, cheveux blonds, regard d'azur, mensuration avantageuse. Et puis ce petit air butin qui finit par convaincre des réalisateurs aussi prestigieux que Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard. Comédienne précoce, elle fait ses premiers essais devant la caméra à 12 ans, aux côtés de Pierre Zoukka. Elle vient tout juste d'arriver à Paris après une enfance passée à Saint-André-de-Valborgne, au Serre du Pomarais chez ses grands-parents. Sa mère, Bernadette Lafont, est alors une actrice en vogue et enchaîne des tournages. Son père, Djurka Medvedski, sculpteur hongrois, a quitté le toit familial et vit reclus en pleine campagne normande. Pauline grandit donc au calme dans ce petit village reculé du Gard. Mais ça n'empêche pas de suivre le chemin tracé par sa mère. Après des petits rôles dans « Vive les femmes » de Claude Confortès, où papa fait de la résistance, papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret, elle est révélée par Claude Chabrol en 1985. Dans « Poulet au vinaigre », Pauline Lafont a 22 ans et joue une postière délurée face à Jean Poiret, l'inspecteur Lavardin. Au micro de France Culture, le réalisateur évoque le choix de Pauline Lafont pour ce rôle, fille de son actrice fétiche. Donc j'ai pris Pauline parce que je me disais c'est un rôle pour Bernadette à 20 ans. Je me suis dit, mais c'est un rôle pour Bernadette à 20 ans, je vais prendre la fille, bon, ce qui est logique. Et alors là j'ai eu une surprise encore plus extraordinaire, c'est que non seulement c'est Bernadette, mais c'est quelque chose d'autre aussi. On n'a rien à se reprocher, Louis. Bon, c'est décidé. Ce soir, j'emmène dîner au château Gerbault. T'es folle. Ce soir, tu viens me chercher à 8h devant chez moi, bien habillée et propre comme un sou neuf. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous en prie. On prendra la même chose. Médaillon de foie gras et feuilleté de riz de veau mori. Excellent. Comme boisson ? Champagne. Hyper 76. Ah oui. Mais tu vois, Louis, c'est ça la vie. Puis les rôles s'enchaînent. On la retrouve agent d'assurance dans Le Pactole de Jean-Pierre Mocky, starlette hollywoodienne dans Le jeu et les acteurs de Gérard Krosik, ou prostituée au grand cœur dans Sale destin de Sylvie Madigan. Film après film, Pauline Lafont incarne l'éternelle Lolita, petite blonde souriante et sensuelle. Avec L'été en pente douce en 1987, elle obtient pour la première fois le rôle principal. Aux côtés de Jean-Pierre Bacri et de Jacques Villeray, elle est Lila, une jeune fille fleur bleue, prisonnière d'un corps trop pulpeux. Le film est un succès, son talent d'actrice unanimement reconnu. Petit à petit, Pauline se fait un prénom dans le monde du 7e art. Elle enchaîne des apparitions télé où elle se révèle vive et drôle. Une gaieté communicative et un vrai tempérament. Au moment de sa disparition, en août 1988, elle est à un tournant de sa carrière. Dans son dernier film, « 2 minutes de soleil en plus » de Gérard Vergès, elle incarne Kat, cheveux courts et regard fuyant, rescapée de la psychiatrie, traquée par la poisse. Elle s'investit corps et âme pour ce rôle, mais le film est médiocre. Même si elle s'en sort avec les honneurs, sa prestation est remarquable, elle vit mal cet échec. Et puis, les scénarios qu'on lui envoie sont toujours les mêmes. On la veut sensuelle et pulpeuse, elle voudrait suivre d'autres chemins, plus audacieux. Elle l'évoque déjà en mai 1987 sur le célèbre divan jaune d'Henri Chapier, émission emblématique de France 3. Mais il y a plus troublant. Un an avant sa disparition, Pauline confie à l'animateur son besoin passager de partir, de couper les ponts. Ah, maintenant, j'ai peur j'ai peur justement de ne pas assez m'isoler, tout en m'isolant, c'est-à-dire que il y a un endroit que j'adore qui sont les Cévennes, cet endroit où j'ai été élevée. Et je me dis souvent, il faut que j'y aille justement pour m'isoler, pour carrément couper et oublier un peu la vie qu'on a parfois qui est très superficielle et peut-être. Mais puisqu'elle est superficielle, vous avez le pouvoir, vous. Déjà maintenant, vous avez le pouvoir de vous accorder comme ça des fugues, des disparitions, non ? Ah oui, je peux le faire. Mais c'est difficile de le faire. Alors, sa disparition, ce 11 août 1988, est-ce une simple fugue ? Bien sûr, la famille de Pauline y pense. Enfin, la jeune femme est majeure. Au regard de la loi, elle a le droit de disparaître sans en informer quiconque. Pourtant, David, son frère, n'y croit pas. Ce matin-là, vêtue d'une robe légère, basket aux pieds, Pauline est partie les mains vides, sans papier d'identité, ni argent. Alors, il ne reste que deux hypothèses possibles pour David. Soit elle est encore dans la nature, piégée dans un ravin, soit on l'a enlevée et séquestrée. Mais pour exclure définitivement la première hypothèse, il faudrait continuer les recherches, avec de plus grands effectifs. Pourtant, 3 jours après la disparition de Pauline, les gendarmes ont déserté le terrain. Inacceptable pour la famille, qui prend alors les choses en main et en appelle directement au président de la République, François Mitterrand. David Lafont s'en explique. Ma mère a été sollicitée par Madame Mitterrand, et donc elle a contacté Monsieur le Président de la République, qui a tout fait et qui a donné les ordres nécessaires pour avoir l'armée, la gendarmerie, doubler les effectifs, les plongeurs de Nîmes, enfin, ils sont venus à partir de 1h de l'après-midi. Et ça s'est fait donc très rapidement, puisque la demande a été faite dimanche soir dans la soirée. C'est très important parce que dans l'hypothèse où il avait été accidenté, on attaquait quand même le 5e jour et sans eau, en imaginant qu'elle ait été blessée et qu'elle se soit trouvée sans eau parce que les ruisseaux sont rares, le 5e jour, c'était très très important d'en avoir le cœur net. Lundi 15 août, l'intervention du président relance les recherches. L'affaire Pauline Lafont devient une affaire nationale. 300 personnes sont mobilisées, dont une centaine de légionnaires, plusieurs chiens et un hélicoptère. Sur un périmètre de 7 km autour de la maison familiale de Saint-André-de-Valborgne, on passe la zone au peigne fin, mais toujours, toujours, aucune trace de Pauline. Mardi 16 août, les battues continuent en effectif réduit et sans grand espoir. Face à l'ampleur de la tâche, David ne cache pas son désarroi, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est alors qu'un témoignage tardif vient étayer la thèse de l'enlèvement, ce mardi 16 août. Arthur Pellet, 81 ans, déclare avoir vu le 11 août au matin une jeune fille au bord de la route, à 2 km seulement du cerf du Pomarais, la maison des Lafont. Vêtue d'une robe rouge à rayures blanches, la jeune fille semblait faire du stop. Les enquêteurs prennent très au sérieux le témoignage du vieil homme. Sur cette route peu fréquentée, il est possible qu'elle soit fait enlever. Alors, Pauline est-elle en danger ? Mardi 16 août, David porte plainte contre X pour arrestation et séquestration illégale. Une semaine plus tard, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Nîmes. Mais aucune demande de rançon n'a été faite auprès de la famille. Le mois d'août s'achève ainsi, sans réponse. Les investigations continuent, mais les enquêteurs restent dans le flou. Ce sont alors les médias qui prennent le relais. 13th of June, 2010. Whiskey at noon and an unfamiliar man lying in your bed. Or was it my turning head? Thinking it was you instead. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time, and then you let the light shine. Like you. 15th of June 2010. Whiskey at noon and an unfamiliar man. Bonjour, c'est Pauline Lafont. Je vous attends jeudi 1er septembre à 22h pour inaugurer le nouvel Arthur à Lausanne. À l'Arthur, les nuits sont belles et je m'y sens très sensuelle. À bientôt, à l'Arthur. Voilà le message qu'on peut entendre en cet été 88 quand on appelle la discothèque Arthur's à Lausanne. Peu de temps avant sa disparition, Pauline avait accepté de devenir la marraine de ce nouveau club helvète. L'inauguration a lieu le 1er septembre, 3 semaines après sa disparition. Sa mère, Bernadette Lafont, fait le voyage, sourire triste et lunettes noires. Contre toutes les évidences, elle veut continuer à y croire. Oui, oui, elle a la certitude que Pauline est vivante. J'y vais pour essayer de la faire bouger, dit-elle. Arrivée en limousine, escortée d'une cinquantaine de journalistes, elle attend le miracle. En vain. Les bonnes âmes, elles, s'indignent et l'accusent de vouloir faire un coup de pub. En fin de soirée, excédée et meurtrie par cette longue attente, Bernadette Lafont affronte les journalistes. Je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a absolument rien de publicitaire, aucun coup monté dans cette histoire. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ça va tellement loin que j'ai eu la visite des gendarmes ce matin à 9h à Paris. Ils m'ont demandé, mais vraiment, est-ce que vous savez quelque chose sur votre fille? Et je leur dis, je ne sais rien, de toute façon, les premiers avisés, ce serez vous. Parce qu'ils m'ont dit, vous savez, on a fait beaucoup d'enquêtes dans votre métier, dans votre profession, et tout le monde pense que ça va vous monter, alors de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une cabale? Le lendemain, vendredi 2 septembre 1988, c'est le coup de théâtre. Sur la 5 de Berlusconi, Guillaume Durand présente le journal télévisé de 20h. En préambule, la voix off annonce une révélation exclusive, Pauline Lafont est vivante. Puis le présentateur vedette reprend le micro et cherche des explications au départ volontaire de Pauline. Non seulement il y a la clinique psychiatrique, mais en plus Pauline Lafont a séjourné dans une ferme de santé pour maigrir, située près de Vierzon dans l'Indre. Et l'une des dernières lettres de la jeune femme laisse la trace profonde de son goût pour le mysticisme, puisqu'elle écrivait « vouloir être, et je la cite, une algue à la recherche de la vérité et de l'absolu ». Tout ça, bien évidemment, avant sa disparition. D'où la nécessité de vous rappeler ce soir notre confidentielle La 5, sans pouvoir vous dire un mot de plus. Une révélation de La 5, Pauline Lafont est vivante, la comédienne, a-t-on appris de très bonnes sources, s'est mise au vert pour se reposer, un éloignement qui pourrait durer plusieurs semaines. Comme des milliers de Français, Bernadette Lafont apprend la nouvelle en direct. Personne ne l'a prévenue de cette mystérieuse révélation et on ne lui dira rien de plus. Alors, face à ce silence cruel et lâche, c'est quand même un beau salaud de ne pas m'avoir téléphoné pour me dire où je pourrais chercher. Mais à vrai dire, à la rédaction de La 5, on n'en sait guère plus. 5 minutes avant le début du JT, Jean-Claude Bourré, rédacteur en chef, reçoit l'appel d'un gendarme qui préfère rester anonyme. Il balance l'info et raccroche. La nouvelle est invérifiable, tant pis. La chaîne décide quand même d'ouvrir son édition sur cette info. Mais alors, où est Pauline ? Tel un leitmotiv, la question revient sans cesse dans les médias. Les gros titres se suivent et échafaudent d'invraisemblables scénarios. On dit qu'elle est fascinée par le petit monde des sectes. Alors, dans le Figaro du 3 septembre 88, on peut lire une enquête chez les marginaux des Cévennes, terre promise des 68ards, attardés, drogués, repris de justice, pour reprendre les mots du journal. Selon le magazine People VSD, Pauline n'est qu'émotivité, fantaisie et suggère à demi-mot le suicide. Puis c'est au tour de François, France Dimanche ou Paris Match de déshabiller la vie privée de la jeune fille. Enfance difficile, caractère faible, dépressive, en proie au désordre amoureux, angoissée par sa carrière, brouillée avec sa famille, minée par les cures d'amaigrissement. Sans parler d'une supposée retraite au couvent ou d'une escapade en Chine. La dramatisation s'ajoute au fantasme, faisant perdre toute mesure à cette affaire. Et on s'assoit tranquillement sur les conséquences de telles rumeurs pour la famille. Ce n'est pas la première fois que la presse mouline à vide. Un an auparavant, l'affaire Isabelle Adjani avait ému la France. Le 18 janvier 1987, l'actrice est contrainte de se rendre sur le plateau du JT de TF1 pour faire taire une rumeur qui durait depuis trop longtemps. On l'a dite malade du sida et même déjà enterrée. Un Ainsi, l'affaire Pauline Lafont témoigne une fois de plus des liaisons dangereuses entre presse, rumeurs et célébrités, quand les journalistes se font enquêteurs, psychologues, juges populaires. Au micro d'Eva Bettan sur France Inter, le chanteur et acteur Yves Montand dénonce ce battage médiatique. Et à la minute où on est quelqu'un de connu, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de broder sur cette personnalité-là, puisque on peut prêter le flanc à l'état de choses. On s'y dit, bon, elle est partie avec quelqu'un, ou elle est partie avec une secte, ou elle a pu avoir un trafic quelconque, ou alors que pas du tout, elle peut très simplement, comme on essaie de l'expliquer aujourd'hui, se promener et avoir fait un faux pas et être tombée. Mais on peut aussi épiloguer pendant des heures sur le fait que peut-être elle n'était pas toute seule. Est-ce que, bon, mais ça c'est monstrueux, je veux pas dire des choses que je ne sais pas. Mais là, le cinéma, la littérature joue son rôle aussi. Et si c'était ceci et si c'était cela, et évidemment, ça va à l'infini. Et puis, petit à petit, la curiosité retombe. L'affaire perd de son intensité et bientôt dans les journaux, un mystère en remplace un autre. Que voulez-vous ? Le dénouement a trop tardé, alors on s'est lassé, comme le veut la loi des médias. Bernadette Lafont, elle, continue de faire face avec courage et elle lutte contre ce silence. Elle tente tout, même les pistes les plus hasardeuses. Le 7 octobre 1988, soit 2 mois après la disparition de sa fille, elle participe à l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier. Ce programme, diffusé sur TF1, est très en vogue et bat des records d'audience. Le principe consiste à inviter une célébrité et à lui faire rencontrer d'anciens amis, le plus souvent des camarades de classe. Pendant l'émission, Bernadette en profite pour faire diffuser à plusieurs reprises des photos de Pauline et un appel à témoins. Parallèlement, la gendarmerie de Nîmes met à disposition des téléspectateurs 2 lignes de téléphone. Mais malgré tout cela, certains trouvent indécent qu'elle participe à ce divertissement. Encore une fois, ils crient au coup de pub. L'œil sec, la voix calme, Bernadette Lafont affirme qu'elle aimerait que les médias continuent de parler de sa fille plutôt que de construire des romans autour d'elle. Le drame des disparitions, c'est qu'on finit par les oublier. D'ailleurs, ce soir-là, aucun appel. Un silence qui durera jusqu'au 21 novembre 1988, 3 mois et 10 jours après la disparition de Pauline Lafont. 7h10, Pauline Lafont, la fin d'un mystère. Le corps de la jeune comédienne a donc été retrouvé hier après-midi par un habitant de la région à Gabriac, en Lozère, à quelques kilomètres seulement de l'endroit de sa disparition. C'est le tragique épilogue d'un suspense qui durait depuis plus de 3 mois. L'envoyé spécial de France Inter, Daniel Grillon, est sur place où personne ne met maintenant en doute la thèse de l'accident. C'est un berger du coin, Roger Philippe, 75 ans, qui découvre le corps de Pauline. Ce 21 novembre 1988, il monte un peu plus haut dans la montagne à la recherche d'arbres morts pour faire du bois. En redescendant de la colline, il aperçoit quelque chose de couleur bleue. Il s'approche et découvre un squelette aux cheveux blonds, vêtu d'un survêtement bleu. Choqué, il appelle le maire. Le corps de la jeune fille se trouve au pied d'une falaise broussailleuse à proximité de Bar-des-Cévennes en Lozère, à 4 km à vol d'oiseau de la propriété familiale de Pauline Lafont. On l'identifie rapidement. Les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux une bague de valeur que la famille reconnaît tout de suite. Puis le travail des médecins légistes fait le reste, grâce à l'étude de la mâchoire et des dents. Plus de doute possible, le corps retrouvé est bien celui de Pauline Lafont. On pensait avoir tout envisagé. Elle a été en réalité victime d'un accident tragique. Le scénario, le vrai, celui-là. À environ 2 heures de marche du domaine familial, Pauline est tombée d'une falaise de 10 mètres de haut dans un éboulis de rochers. Une catastrophe pour une randonneuse totalement seule. 2 fémurs brisés nets. Selon l'autopsie, elle meurt sur le coup. Et malheureusement, l'accident surgit au point le plus éloigné de la balade de Pauline. Au moment des recherches, les secouristes avaient tracé sur une carte un cercle autour de la maison de Lafont. Mais Pauline n'était pas à l'intérieur. Quand pompiers, gendarmes et légionnaires ratissent mètre par mètre la vallée, c'est sur le versant surplombant directement son point de départ. On juge qu'elle n'est pas plus loin. Hélas, si, elle est à quelques pas du cercle, en dehors. Reste une interrogation qui fait encore couler beaucoup d'encre après la découverte du corps. Le cadavre porte une chemise Lacoste, un survêtement bleu et des baskets. Pourtant, David, le frère de la victime, est formel. Ce matin-là, Pauline portait une robe légère. Mystère, énigme, rebondissement, ou peut-être simplement, il ignore que Pauline s'est changée avant de partir en balade. 3 mois et demi après la disparition, l'affaire est classée. Il s'agit d'un accident. Pauline disparaît là où elle est née, dans ces montagnes qu'elle aimait tant. Les jours suivants, de nombreux journalistes s'excusent auprès de la famille Lafon pour le déballage, les ragots, le linge sale en public et la rumeur. Richard Boranger, lui, laisse exploser sa colère. Il était le partenaire de Pauline dans le pactole de Jean-Pierre Mocquet. Les langues de vipère et les cradingues de ce qu'on pourrait appeler la fausse information, comme ça, qui ont prêté des idées complètement tordues à la famille Lafon en parlant de publicité, en parlant de trucs comme ça. J'espère qu'ils ont bien honte et qu'ils sont bien dans le fond de leur honte. Malheureusement, c'est une jeune femme qui fout le camp comme ça. Et on n'a pas attendu de savoir quoi que ce soit, on a essayé de la dégueulasser tout de suite. Quoi. C'est comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est un constat un peu amer. Ce constat amer sera aussi celui de Guillaume Durand, présentateur du journal de la 5, qui annonça en direct que Pauline était vivante. Un an après l'affaire, en 1989, il reçoit le 7 d'or du meilleur présentateur du JT. Lors de son discours de remerciement, il présente officiellement ses excuses à Bernadette Lafon. Je crois aussi que ce genre d'occasion, c'est un jour béni pour payer ses dettes. Et moi, j'en dois une épouvantable à quelqu'un pour qui, en plus, j'avais énormément d'admiration, parce qu'on a fait une gigantesque connerie, et je demande à Madame Bernadette Lafon de nous pardonner. Au générique de fin, Pauline Lafon restera comme une jeune actrice trop vite partie, une étoile filante sur grand écran. Elle était la petite blonde, charmante, souriante, vive, l'insolence en plus. Une comédienne talentueuse, fauchée en plein vol. L'histoire de sa mort restera dans les mémoires comme un drame intime, certes, mais aussi et surtout comme l'exemple d'une dérive médiatique qui regarde la vie des autres par le trou de la serrure. Vie privée, vie publique, toutes les frontières sont tombées. Et ce souci d'organiser le spectaculaire, d'attirer l'œil, de stabiliser les audiences, est à l'origine de nombreux dérapages. On se souvient par exemple de la vraie fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arvor au JT TF1 le 16 décembre 1991. Plus grave encore, ces cas de désinformation qui atteignent un paroxysme avec l'affaire des charniers de Timișoara en décembre 1989. Vous regardez trop la télévision. Bonsoir. Allez. Va la rejoindre, ta copine. Et où est-ce qu'ils l'emmènent ? À l'hôpital. Ils vont la calmer. Tu la reverras, ta mère. Alors, facteur, tu te dépêches ? Look, your Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Pauline Lafont avec notre invité Patrick Evenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'histoire des médias. Donc on le voit, il y a un récit, il y a une histoire dramatique d'une jeune femme qui meurt en allant se balader. Donc c'est d'un point de vue intime dramatique, hein, c'est un choc. Mais au-delà de cette histoire, bah, y a pas de mystère et il y a des médias qui construisent le mystère. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire, et surtout le traitement de cette histoire? Alors, ça m'inspire plusieurs choses, parce que je suis aussi président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui est un organisme tripartite, hein, qui comprend des journalistes, des entreprises de médias, dont France Inter, et des représentants du public. Mais on peut considérer qu'il y a là véritablement tout le cocktail possible pour faire une affaire à la fois qui intéresse le public et une affaire médiatique. Ce qui intéresse le public, c'est bien sûr, il y a du fait divers potentiel. On ne sait pas si c'est un crime, un suicide, quelque chose. Mais enfin, il y a un fait divers potentiel, un mystère qui concerne un people. C'est pas un simple people, fille de people, etc., etc. Donc voilà. On est en plein mois d'août, l'époque de la torpeur, de l'été, etc., où il n'y a pas grand-chose à faire, où il n'y a pas beaucoup de nouvelles. En plus, on est en 88, Mitterrand vient d'être réélu président de la République, Michel Rocard est Premier ministre, la France va bien. Les choses sont installées, voilà, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, ils se sont fait réélire très facilement, etc. Donc, on est dans une période de calme plat médiatique. Et calme plat pour les gens qui sont aussi en vacances. Moi, je me souviens, j'étais en Ardèche, j'étais à quelques dizaines de kilomètres des Cévennes. Et tout de suite, ça nous a parlé. Enfin bon, moi, mais on se demandait de quoi il s'agissait. Et puis alors, effectivement, cette jeune femme qui était superbe, extraordinaire, et tout ça. Bon, voilà. Donc tout ça, ça fait un cocktail qui intéresse le public. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune info. Absolument aucune info. C'est clair et net. Même la seule info qu'on ait, c'est qu'elle était en robe alors qu'elle n'est pas en robe. Enfin bon, il n'y a pas d'info. Et là, le problème, c'est le système médiatique. Le système médiatique, il faut qu'il ait des sources. Les journalistes, ils ont besoin de sources, ils ont besoin d'informations. Et les seules informations qui arrivent sont des fausses informations. Le gendarme qui raconte n'importe quoi, un autre gendarme qui dirait à la 5, etc. Donc là, il y a véritablement un problème. Le problème, c'est que les journalistes sont-ils capables de se taire quand ils ne savent pas? Alors, justement, pour le coup, il y a deux choses. Il y a effectivement ce désert d'événements qui est à la racine de beaucoup de dérapages, hein, oui. Quand il faut remplir. Et puis, il y a quand même aussi un contexte, c'est-à-dire qu'il y a la 5 de Berlusconi, par exemple, qui est une télé, voilà, qui se présente comme agressive d'un point de vue concurrentiel, donc il va chercher les infos avant les autres. Il y a un contexte particulier. Il y a le contexte médiatique qui est très particulier. On vient de libéraliser la télévision en France, hein, à partir de 84-85, mais c'est surtout en 87, privatisation de TF1, réattribution de la 5 et de la 6 à Berlusconi et ensuite à Bertelsmann pour la 6. Et donc il y a une naissance de nouvelles chaînes de télévision privées. Et ça fait un bouleversement dans le système médiatique. Il y a déjà eu la naissance de nouvelles radios privées dans les années 82-83, et là, le mouvement médiatique s'amplifie. On n'est pas encore à l'époque d'Internet, tout ça, mais on a déjà beaucoup plus de sources, et donc beaucoup plus de concurrence. Et les magazines qui cherchent à vendre du papier, les détectives, les France Dimanche, les Ici Paris, les Paris Match, etc. Il n'y a pas encore les vrais people comme Voici ou Gala, mais il y a déjà ces people-là, ces pseudo-people. Ils sont concurrencés par l'explosion des chaînes de télévision, par la 5 qui manie les paillettes, puisque c'est l'alliance de Hersan et de Berlusconi, avec la télé à l'italienne où on montre tout un tas de belles choses, etc. Et y compris, on fait du scandale. Et puis Berlusconi a investi massivement. Il a acheté, si je puis dire, des stars du journalisme et de la présentation télévisée à TF1 ou à Antenne 2 pour les faire venir sur la 5. Donc il y a tout ce bouillonnement-là. Il y a ce bouillonnement-là. Mmh. Et quand il y a un trouble... Et le problème, c'est que les fondamentaux du journalisme, ils n'ont jamais changé, quel que soit le média auquel ça s'applique. Depuis Théophraste Renaudot, il faut, quand on a une information, la vérifier, la sourcer, croiser les sources, respecter les personnes, la vie privée, sauf des gens publics, bien sûr, etc. Toute une série de choses que Théophraste Renaudot a mis par écrit en 1632, donc c'est pas tout à fait nouveau. Et puis c'était pour la presse, et ensuite il y a eu la radio, et puis après la télé, maintenant il y a Internet, mais c'est toujours les mêmes choses, sauf que ça va peut-être un petit peu plus vite, mais à l'époque, c'est pas encore la rapidité des réseaux sociaux. Et ça n'empêche que quand il y a des mutations médiatiques, qu'il y a des concurrences qui s'exacerbent, il y a des défenses qui s'abaissent. Il y a un terrain favorable pour la dérive. Alors, on a entendu tout à l'heure Guillaume Durand qui a dit voilà, on a fait une énorme connerie, donc il n'a pas cherché à s'extraire de ses responsabilités. Il les a dites, et plutôt courageusement d'ailleurs. Alors, une autre affaire qui nous renvoie un peu à cela. Le 16 décembre 1991, Patrick Poivre d'Arvor présente au journal de 20h de TF1 une conférence de presse de Fidel Castro, dont les extraits ont été maquillés grâce à l'introduction de questions enregistrées a posteriori par lui et par Régis Faucon, alors qu'il se trouvait à La Havane. Le document laisse penser que Fidel Castro a été approché personnellement par les journalistes de la chaîne, ou du moins qu'il a répondu aux questions posées par Patrick Poivre d'Arvor. Mais c'est pas ça. Voilà, donc Télérama dénonce la supercherie et Patrick Poivre d'Arvor se défend, lui, deux semaines plus tard, sur France Inter. Je n'ai pas un instant mis les pieds dans la salle de montage et ce document est arrivé. Bon, en plus, je dois couvrir tout ce qui passe à l'antenne et ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas, et je vous le dis très franchement, et j'en fais même, si vous le souhaitez, amende honorable, ce n'est pas un document qui m'a plu. Voilà. Pas plus parce que effectivement il y a eu cette impression où on pouvait penser qu'il y avait interview, alors que mon texte, je le répète encore une fois, était on ne peut plus clair, nous avons pu approcher Fidel Castro lors d'une conférence de presse improvisée. Donc on n'a pas été content du sujet. Ce n'est pas une faute, mais c'est une erreur. À aucun moment nous n'avons altéré la pensée de Fidel Castro, et c'est quand même ça qui est le plus essentiel, c'est d'essayer de ne pas tripatouiller ce que peut dire l'interlocuteur, et ça c'est ce qui me paraît le plus important. Voilà, Poivre plaide l'erreur, mais pas la faute professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est difficile. C'est une faute professionnelle dans la mesure où il reprend à son nom une interview qui a été faite par un autre. Donc, c'est une faute au moins vis-à-vis de son confrère. Bon, sur la signature. Il a raison de dire qu'il n'y a pas de faute professionnelle dans la mesure où il n'a pas bidonné, il n'a pas maquillé l'intervention de Fidel Castro. Ce sont les vraies paroles de Fidel Castro qui n'ont pas été coupées, montées, etc. Donc, effectivement, c'est une faute professionnelle, mais qui n'entraîne pas beaucoup de conséquences pour le public, puisque le public, ce qui pouvait l'intéresser, c'est pas la parole de Poivre d'Arvor, c'est la parole de Fidel Castro. Donc, finalement, ça change pas grand-chose pour le public. Mais alors, existe-t-il des sanctions ? Par exemple, est-ce que la 5 aurait pu être condamnée pour divulgation de fausses informations dans l'affaire Pauline Lafont ? Ça aurait pu se faire, puisque les lois, notamment la loi de 1881 sur la liberté de la presse, permet de punir la diffusion de fausses nouvelles. À l'époque, le CSA n'existait pas, il est créé en 89, mais son ancêtre, la CNCL, aurait très bien pu mettre en demeure la 5, voire lui retirer sa licence d'émission. Sauf que la CNCL était encore tout à fait balbutiante et n'a pas duré longtemps. Donc il y a pas de sanctions. Le problème, c'est qu'il faut faire attention avec les sanctions. C'est qu'il y a aussi, il faut conserver la liberté des journalistes, le droit du public à être informé suppose que les journalistes soient libres d'informer, quitte à faire des erreurs et après ça à les punir pénalement, mais pas en leur interdisant de parler. Patrick Avenot, en ce mois d'août 1988, on écoutait entre autres, mais beaucoup, cette chanson qui était un tube, qui s'appelle On the Road Again, signée Bernard Lavilliers. étions jeunes et larges au dépôt, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Bernard Lavelier sur France Inter. Patrick Evenot, on évoquait la 5 tout à l'heure avec Guillaume Durand. C'est la 5 qui a introduit vraiment en France le concept d'infospectacle. Souvenez-vous, avec la première guerre du Golfe, où vous aviez une succession de journalistes qui apparaissaient à l'antenne, en nous disant pas « on n'a rien à vous dire », mais ils auraient pu nous dire « bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai rien à vous dire ». Tout à fait. Bon, ça, donc ça, c'est effectivement certainement propice à des dérives, cette façon de vouloir remplir l'espace, parce que les médias audiovisuels ont horreur du vide. Et puis, maintenant, il y a les télévisions d'information continue. Là aussi, il faut remplir l'espace. Souvenez-vous de la Fermera, où on nous a montré des images pendant des minutes, des longues minutes, où il ne se passait rien. Donc, est-ce que l'infospectacle et les chaînes d'information continue constituent un terrain propice à des dérives ? Forcément, mais les dérives sont anciennes. Hein. Il y a toujours eu des dérives. C'est vrai. Je cite toujours à mes étudiants, en 1927, quand Ningesser et Colli s'abîment au fond de l'Atlantique, la presse, beaucoup de journaux, titre que Ningesser et Colli sont arrivés à New York parce qu'ils ont anticipé leur vol et ils ont, comme ils étaient face à la concurrence de la radio qui, elle, peut avoir des flashs quasi immédiats à l'époque, eh bien, ils avaient anticipé, ils avaient fait tourner les rotatives trois heures avant que Ningesser et Colli n'arrivent à New York et ils étaient au fond de l'eau quand ils publient leur... C'est le problème, c'est quand on a une mutation médiatique ou quand on... Et on le voit bien actuellement avec notamment les chaînes d'infos en continu, mais encore plus avec la pression des réseaux sociaux. Le fait que Internet, les réseaux sociaux, les blogs, etc., tout ce qui circule à la vitesse de la lumière, toutes ces affaires-là font que, en fait, il y a des gens qui essayent de griller tous les processus. Il y a dans une publication, qu'elle soit audiovisuelle ou papier, il y a une chaîne. La chaîne, c'est on a une info, on la recoupe, on la vérifie, on la source, on prend les différentes... Et puis après ça, on diffuse, on fait un papier, une émission ou autre chose. Le problème, c'est quand on veut aller de plus en plus vite, quand on veut meubler, quand on veut, si on n'a pas d'infos certifiées, etc., eh bien, on fait confiance à... Là, on a bien vu sur Guillaume Durand, il a fait confiance à Jean-Claude Bourré, qui a fait confiance à un coup de téléphone. Voilà, on a vu ça au moment de, hélas, de Charlie Hebdo, où on a vu des fausses informations circuler, parce que un syndicaliste policier avait donné une info à un journaliste de radio et de télé qui avait dit son... etc. Et on a comme ça des fausses informations ou des informations manipulées qui sont à l'antenne. Alors, on ne peut pas aller non plus contre le sens de l'histoire. Il y a une évolution, il y a Internet, il y a les télés tout info. Qu'est-ce qu'il faut faire pour épouser ces changements dans une forme de sécurité intellectuelle, justement, pour faire en sorte que ces changements-là ne véhiculent pas automatiquement des dérives? Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut se dire que l'information, elle doit être contrôlée à toutes les étapes et pas faire confiance simplement à quelqu'un parce que il a l'habitude de... Donc ça, c'est le contrôle interne, soit par des vieux journalistes qui ont plus de bouteilles, qui disent... Moi, je me souviens au moment des attentats de Madrid, quand le Premier ministre disait « c'est les Basques », j'ai un vieux journaliste qui m'a dit « mais c'est pas possible, c'est pas une méthode basque, ça, c'est pas une méthode basque ». Parce qu'il avait suivi l'Espagne pendant 20 ans ou 30 ans. Enfin, ça arrangeait le gouvernement espagnol. Ça arrangeait le gouvernement espagnol, que ce soit bien les Basques, puisque les Espagnols, pas les Basques. Les Espagnols étaient présents en Irak et ne voulaient pas se faire accuser d'avoir pris des risques. Mais c'était pas les Basques, c'était des attentats islamistes. Donc, vous voyez, il y a le côté, le gars qui a de la bouteille, qui va peut-être pas aussi vite sur le terrain, mais qui, quand même, il a l'habitude d'un certain nombre de choses. Il y a surtout ne pas se faire embarquer par des fausses informations, les contrôler, et puis mettre la différence. Il vaut mieux perdre quelques dizaines de secondes et mettre la différence d'une information vérifiée, d'une information professionnelle. Ce qui fait la force des journalistes, c'est leur professionnalisme. C'est pas le fait de répéter n'importe quoi. Bon, que pensez-vous de cette phrase d'Umberto Eco qui nous a quitté il y a quelques jours? Bon, je pense que vous allez l'aimer, vous la connaissez. Voir du sens là où on ne serait tenté que de voir des faits. Ça, c'est une règle d'or du journalisme. C'est une règle d'or, mais il faut d'abord voir les faits, parce que du sens sans faits, ça... Oui, d'accord, bien sûr. Bon. Donc il faut, c'est là où est le problème, c'est qu'il faut effectivement voir les faits et voir le sens de ces faits, effectivement. C'est la mission première du journalisme, de donner du sens, chercher le sens, le traquer et le donner le sens. La mission première, c'est de donner ce qui est dissimulé. C'est donc démonter les faits et expliquer un peu comment ça marche. Et ça, effectivement, le sens, il vient tout de suite après la démonstration des faits. Alors c'est un grand bonheur, justement, cette émission à faire sensible, puisqu'elle a, d'un point de vue, un certain confort, finalement, de pouvoir trouver du sens aux faits, puisque nous avons du recul. Bien sûr. Et que seul le recul donne la plus grande lucidité. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un très grand bonheur. Vous savez, même les historiens se trompent parfois. Mais bien sûr. Merci, Patrick Evenot. À bientôt. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Pauline Lafont, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la tentative de coup d'État en Espagne, au Cortés, en 1981.